Boustic est un grand mastoc. Mastoc est un grand moustique. Petit gosse deviendra boss. Chômage deviendra showman. Ah. Ah. Ah. Tout d'abord Gainsbourg se bourre. Et ensuite Gainsbourg se barre. Et si bourré barbatif, barbaré bien bourratif. Ah. Ah. Ah. Ah. Loustic est un grand mastoc. Mastoc est un grand moustique. Tel qu'un mammouth écrase les prix, eh bien mamie écrase les proutes.